BR Métal, avec ses quatre divisions mobilierpublic.com, BR Industrie, Aluco et BR Peinture, désire souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année à toute la population. BR Métal est un employeur important dans le secteur de Dolbeau-Mistassini et continue sa croissance. BR Métal est situé au 353 rue Gustave Dessureau, au numéro de téléphone 418-276-5888. Ici Jean-François Baudry, directeur général de la Maison funéraire Hébert et Fils. Le temps des fêtes nous donne l'occasion de vous redire merci pour la confiance que vous nous témoignez. La direction ainsi que les membres du personnel se joignent à moi pour vous transmettre leurs meilleurs vœux du temps des fêtes. Que ces moments privilégiés passés en famille demeurent à jamais gravés dans vos mémoires. La Maison funéraire Hébert et Fils vous souhaite de très joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année. Bonjour, ici Léa et Clara. Nous sommes la sixième génération de chez Salaison-Besson. C'est nous qui sommes responsables des communications. Une tâche nous a été confiée cette année. Nous avons l'honneur de vous souhaiter les vœux du temps des fêtes. Au nom de Salaison-Besson, nous vous souhaitons bonheur, amour et prospérité pour la nouvelle année. Ayons la force de croire en nos rêves afin de les réaliser. À tous nos parents, clients et amis, nous vous souhaitons joyeux Noël et bonne année. Parce que si c'est pas Besson, c'est pas aussi bon! Samedi 22 décembre, 20h, le multiconcessionnaire de Dolbeau-Mistassini reçoit la visite des excavations à savoir de la Haute-Côte-Nord au complexe sportif de Dolbeau. Prix du billet seulement 8$. Venez voir du hockey de haut calibre avec des joueurs d'ici. Go Multi, go! On va parler des aigles de Roberval avec notre ami Simon Godreau. C'est la chronique des aigles. Salut Simon! Simon, il y avait trois matchs au programme la semaine passée concernant tes trois équipes et ça a été dans le premier match une verdict nul de 1-1, un match de la catégorie Benjamin Dijon. Hein. Oui, exactement. Dans le fond, on jouait contre Alma à la maison dans le match avant les fêtes. Alma a marqué quand même tôt dans le match 1-0. C'était un match là, un bon match des deux côtés. Ça s'est révélé avec un verdict. OK. Et par la suite, il y a eu deux autres matchs dans un match de la de Cadet Division 2, les Aigles de Roberval est en action aussi. Oui, dans le fond, dimanche passé, c'était un programme triple. Donc, c'était Benjamin Cadet Juvénile. Le Cadet, eux, jouait contre Séminaire Saint-François. Un match important là, pour leur saison. Okay. On gagnait le match 4-0. Donc, un très bon match dans l'ensemble. Là. Je dirais que la première période, ça a été un petit peu plus en dents de scie. C'est arrivé la même chose dans le juvénile. C'est quand tu arrives d'un tournoi où c'était émotif, l'émotion était haute, tout ça. Tu retournes dans un match de saison régulière. C'est tout le temps un petit peu... Il y a moins d'atmosphère, il y a moins d'émotion dans le match. Donc, c'est un petit peu ce qu'on a vécu dans les deux premières périodes de nos équipes. Et puis, dans le juvénile, après eux... un match serré, je dirais même qu'ils ont réussi à en dominer une certaine partie, mais un but en fin de match, il restait 3 minutes, on a fait 1-0 pour Québec, on a sorti de garder le but à deux reprises, ils ont marqué dans des filets déserts, donc c'est un revers de 3-0 pour eux avant le congé des fêtes, là, mais l'effort est au rendez-vous, puis on est bien contents de nos gens. OK, donc 3-0, là c'est le congé durant la période des fêtes, c'est quoi le programme en fait pour les équipes? Est-ce qu'il y a un entraînement durant les fêtes ou ça va recommencer? Non? Il n'y a pas d'entraînement prévu, là. C'est vraiment au niveau scolaire. Donc, il faut avoir débuté le 7 janvier. C'est une pédagogique, donc le 8. Ça va être des pratiques toute la semaine. Tout de suite après, on va avoir un match dans cette semaine-là. On a fait exclusivement un match en Benjamin puis en Cadet. Parce que la semaine du 14, c'est le tournoi Pee-Wee Jonquière pour nos Benjamins. Mm. Et tournoi Cadet à Chaîne Bleue à Vaudreuil-Dorion. Pour notre cadet et notre juvénile également pour Château-Guy, donc dans la troisième semaine de janvier, donc la deuxième semaine après notre retour, c'est toutes nos équipes sont en tournoi en même temps dans la même fin de semaine. OK, puis ça, j'imagine qu'on va axer beaucoup sur l'entraînement au début, là. Ça va être très... Oui, c'est sûr que là, en fin des fêtes, ça va être un petit peu plus difficile qu'ils l'ont vécu dans la dernière semaine avant Noël, ça, c'est sûr. Effectivement. Donc, Simon, il me reste qu'à te souhaiter de joyeuses fêtes, une bonne année et une belle année 2019 aux Aigles de Roberval. Je pense que c'est bien commencé. Pour le plaisir de se reparler après les fêtes. Un long merci, joyeuses fêtes à vous aussi. Voilà, donc Simon Godreau, l'instructeur des Aigles de Roberval.